بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد معنا اليوم إن شاء الله تعالى سورة المسد. Ce soir on verra la sourate Al-Masad. C'est une sourate qu'on a déjà vue ici dans cette mosquée. وهي سورة مكية. C'est une sourate qui a été révélée durant la période mécoise. أخرج البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى البطحاء فصعد الجبل فنادى يا صباحا فاجتمع إليه قريش أو فاجتمعت إليه قريش فقال أرأيتم إن حدثتكم أن العدو مصبحكم أو ممسيكم أكنتم تصدقونني. Et donc Al-Bukhari l'a cité dans son Sahih, selon Abbas, radiallahu anhuma, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est dirigé vers Al-Batha, donc la montagne, et donc il est monté sur cette montagne, et ensuite il a crié « Ya Sabaha !» Ça c'est un cri que les Arabes ils poussent lorsque l'un d'entre eux voit une armée qui vient les attaquer pour prévenir le peuple. « Ya Sabaha !» Et donc ils se réunissent tous. فَجْتَمَعَتْ إِلَيْهِ قُرَيْشِ. Alors Quraysh, ils se sont rassemblés autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors il leur a dit, voyez-vous, si je vous annonçais que l'ennemi venait vous attaquer, fis sabah, donc le matin à l'aube, ou alors fil masa, durant la soirée, allez-vous me croire? قَالُوا نَعَمْ. Ils ont dit, oui, on va te croire. Alors il a dit « فَإِنِّي نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ. » Alors certes, je viens vous mettre en garde contre un châtiment douloureux. Alors Abu Lahab, il a dit « أَلِهَذَا جَمَعْتَنَا تَبَّنْ لَكْ. » Abu Lahab, il lui a dit « Est-ce que c'est pour ça que tu nous as rassemblés? Que tu périsses, تَبَّنْ لَكْ. » فأنزل الله تبارك وتعالى قوله تبت يد أبي لهب وتب. C'est à ce moment qu'Allah تبارك وتعالى il a fait descendre sa parole تبت يد أبي لهب وتب. On avait déjà abordé le sujet de la chaîne de transmission ici qui se termine ici avec Abu Huraira رضي الله عنه. وهذه القصة مكية في Awel al-Bi'atha. Et donc cette histoire s'est déroulée durant la période mécoise, au début de la révélation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa ibn Abbas radiyallahu anhuma kana tiflan sagiran lam yablugh. Ibn Abbas à ce moment-là c'était un jeune enfant, il n'était pas encore pubère. Et c'est lui qui nous raconte cette histoire. Est-ce qu'on peut accepter ou pas? Ici, on a tu es concentré? Tu es avec nous ou tu n'es pas avec nous? Alors, on a Suleyman qui vient, qui nous raconte un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. On accepte ou pas? Hein? S'il a dépassé Tamiz. Je vais plus précis. Alors, il y a deux sujets importants à comprendre. C'est déjà, est-ce que l'enfant qui assiste à une scène, et ensuite quand il grandit, il la raconte, chez les gens du hadith, est-ce que c'est accepté? Naam, c'est accepté chez les gens du hadith. Lorsque l'enfant assiste à une scène et qu'ensuite il la raconte, lorsqu'il est pubère, alors oui, c'est accepté. Mais le cas d'Ibn Abbas ici, non. Il n'a pas assisté à la scène. Ibn Abbas, il n'a pas assisté à la scène. Et donc ici, c'est ce qu'on appelle Marasil al-Sahaba, donc les compagnons qui nous racontent une histoire du prophète sallallahu alayhi wa sallam auquel ils n'ont pas assisté. Wa Marasil al-Sahaba maqboula. Et ici, ce genre de récits rapportés par les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont acceptés. Pourquoi ? لأن الصحابة رضي الله عنهم يروون عن الصحابة. Parce que les Sahaba رضي الله عنهم, ils rapportent les récits des compagnons. Donc il a pris ceci d'un compagnon. Anas ibn Malik رضي الله عنه. Il fut interrogé lorsqu'il a cité un hadith. Un des tabi'i lui a dit: est-ce que tu as entendu le prophète صلى الله عليه وسلم dire cela? Anas il s'est énervé رضي الله عنه. Il lui a dit: ليس كل ما نحدثكم عنه سمعناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. Il dit: ce n'est pas tout ce qu'on vous cite qu'on a entendu du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais il se peut que je l'ai entendu d'un autre compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui me l'a rapporté. Mais les compagnons, eux, ils ne leur est pas obligatoire de nous citer de qui ils l'ont pris. Pourquoi? لأن الصحابة كلهم عدول. Parce que les compagnons, ils sont tous fiables رضي الله عنهم. فهذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع قريشا وقام بدعوة علانية ولم يخف من قول الناس فيه. Il y a dans ce hadith le fait que le prophète صلى الله عليه وسلم il a rassemblé Quraysh et il les a appelés tous à l'islam ouvertement, publiquement, et il n'a pas eu peur de ce que les gens vont dire de lui. Il n'a pas eu peur de la critique des gens. وأنتم تعرفون كيف تأذى النبي صلى الله عليه وسلم وكم حاولوا قتله. Et certes, vous savez combien a souffert le prophète صلى الله عليه وسلم et comment ils ont essayé de le tuer. لكنه وصل في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. Cependant, il a persisté dans la da'wa pour appeler les gens à l'islam. Voilà la voix du prophète صلى الله عليه وسلم. فرضي الله عن الصحابة الذين اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم وصبروا على الأذى. Qu'Allah soit satisfait des compagnons, ceux qui ont suivi le prophète صلى الله عليه وسلم et qui ont enduré face à la souffrance. ورحم الله العلماء علماء السنة الذين اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم وَصَبَرُ كَذَلِكَ. Et qu'Allah fasse miséricorde aux savants de la sunna, ceux qui ont suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui ont eux aussi patienté. وَمِنْهُمْ الْإِمَامْ أَحْمَدْ. Et parmi eux l'imam Ahmed rahimahullah, qui a patienté sur les coups de fouet, qui a patienté sur le fait de s'évanouir je ne sais pas combien de fois tellement il souffre, et à chaque fois il se lève. أَتُونِي آيات من كتاب الله أو حديث آيات من كتاب الله أو حديثا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. À chaque fois il se réveillait et il se levait après s'être évanoui, il disait: ramenez-moi un verset du livre d'Allah ou un hadith de la sunna du prophète صلى الله عليه وسلم. Et il continue à le frapper et il patiente. Et nous, on nous dit: attention, on va vous faire et garde à vue ou ladri, et on arrête. C'est ça la sunna. Et frère, la sunna, c'est pas porter la barbe, un camis, et après tu dis alhamdoulilah, ana salafi. C'est pas ça. Il faut patienter, il faut endurer. Il faut qu'on endure quand il y a des épreuves. Il faut qu'on endure. Il faut qu'on soit ferme. فأيها الإخوة لا نتعلم القرآن والتفسير ولا نحضر هذه الدروس فقط من أجل أن يقول الناس أننا قد درسنا وفهمنا وإيش. Et frère, on n'étudie pas l'exégèse du Coran, l'essence du Coran. On ne fait pas toutes ces assises juste pour dire alhamdulillah, mashallah, on a compris, ou alors pour finir et dire aux gens mashallah, on a fait plus de 100 cours à Masjid al-Huda. C'est pas pour ça qu'on fait ça. نحن ندرس لنعمل بعلمنا الذي تعلمنا. On étudie pour œuvrer avec la science qu'on a étudiée. C'est pour ça qu'on étudie, c'est pour œuvrer. Et donc il faut rester ferme les frères. Quand on apprend quelque chose, هذا العلم الذي تتعلمه يكون حجة لك أو عليك. cette science que tu apprends va être une preuve pour toi ou contre toi, Yawm al-Qiyam ? Pour toi ou contre toi ? فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى الله تبارك وتعالى فانقسم الناس. Et donc le prophète صلى الله عليه وسلم il a appelé les gens à Allah, alors les gens se sont divisés. بل انقسم أقاربه. Pire que cela, ses proches se sont divisés. فذكرت العلماء إن أعمام النبي صلى الله عليه وسلم انقسموا على ثلاثة أقسام. Les savants, ils ont cité que les oncles du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, se sont divisés en trois groupes. فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ فَأَسْلَمْ. Il y a parmi eux ceux qui ont cru en lui et qui se sont convertis. وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِهِ وَلَكِنَّهُ سَعَدَ. Il y a parmi eux, donc, ceux qui n'ont pas cru en lui, mais par contre, qui l'ont aidé. Ici, on a Abu Talib. Et il y a parmi eux الَّذِينَ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ وَحَارَبُوا. Il y a ceux qui n'ont pas cru en lui et qui l'ont combattu. فَبَعْدُ النَّاسِ قَدْ يَدْعُفْ إِنْ رَأَى أَقَارِبَهُ يُخَالِفُونَهُ فِي الدِّينِ. Certaines personnes peuvent s'affaiblir lorsqu'ils voient que leurs proches s'opposent à eux dans des sujets religieux. Ah, vous, salafistes ou istes, vous êtes durs. Ou, hey, pourquoi la barbe? Pourquoi tu ne veux pas faire avocat comme tous tes frères? Hein, c'est toi mon seul fils qui ne veut pas faire avocat au Luxembourg. Pourquoi? Et donc, tu as ta famille qui s'oppose à toi. Et certains peuvent faiblir. En ce moment, on te dit, « Yahi, hada. » هذا شأن الأنبياء وهذا دأم الأنبياء والصالحين. Ça c'est la voix des prophètes et des pieux. Nuh, Ibrahim, ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم ainsi que notre prophète صلى الله عليه وسلم. Leurs familles se sont opposées à eux. Et donc ne t'étonne pas que toi aussi ça t'arrive, que toi aussi tu es éprouvé par ta famille et par tes proches. فالمطلوب علينا أيها الإخوة الصبر. Et donc, ce qu'il nous est demandé, ô chers frères, c'est de patienter, d'endurer. Fait Abu Lahab, Amun Nabi sallallahu alayhi wa sallam, wa a'tarada alayhi, fait qala lahu ali hadha jama'tana. Et donc, Abu Lahab, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est opposé à lui et lui a dit : est-ce que c'est pour ça que tu nous as rassemblés ? C'est pour ça ? Fait Yaskhar min al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il se moque du prophète. Sallallahu alayhi wa sallam, il cherche à le rabaisser, à rabaisser sa da'wa. Et ensuite il dit, Tabban lak, que tu périsses. Que tu périsses. Fa anzal Allah tabaraka wa ta'ala suratan bi dhikri ismihi. Tutla fi salawat al-mafrouda wa nawafil. Alors Allah tabaraka wa ta'ala a fait descendre une sourate qui cite son nom. Et cette sourate qui est récitée durant les prières obligatoires et surérogatoires. Faqala Allahu tabaraka wa ta'ala ba'd al-basmala tabbat yada abi lahabin wa tab. Et donc Allah tabaraka wa ta'ala après la basmala, il cite le premier verset tabbat yada abi lahabin wa tab. Que périssent les mains d'Abu Lahab. Et donc ici, Zakar Allah Tabaraka wa Ta'ala al-Yadayn. Ici, Allah Tabaraka wa Ta'ala, elle a cité les deux mains d'Abu Lahab. Et on avait dit que cela signifie quoi? Que périssent les deux mains d'Abu Lahab. Ça veut dire quoi? Sa'yu. J'ai pas entendu. Naam. C'est-à-dire que périssent ici. Hein? Ce qu'il a fait. Et d'accord. Marjou. Que périsse Abu Lahab, ce qu'il a fait. Donc, c'est-à-dire, il a cité les mains parce que c'est, les, comme certains savants nous disent, et même Cheikh Ibn Uthaymeen rahmatullahi alayhi, il nous dit لِأَنَّ يعني أَكْثَرُ الْحَرَكَاتِ وَالْكَسْبِ وَالْعَطَى تَكُونُ بِالْيَدِ. Les mouvements en général, ce qu'on fait, on le fait pas avec nos mains, ce qu'on donne, ce qu'on retient, c'est pour ça qu'il a cité les mains. Mais ce qui est voulu ici, c'est Tabba Abu Lahab. C'est que périsse Abu Lahab. Et ceci est permis dans la langue arabe. Itlaq al-juz al-al-kul. Le fait de citer une partie, mais de vouloir tout. Comme Allah tabaraka wa ta'ala nous dit, kullu ma 'alayha fan. Tout ce qui est sur celle-ci, sur la terre, est voué à périr. Wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Mais la face de ton Seigneur restera. Ce qui est voulu ici, c'est ton Seigneur qui restera. D'accord ? On avait vu aussi Nasiyatin kadhiba. Un toupet menteur. Ce qui est voulu ici, c'est Sahibu hadhihi an-nasiya. C'est celui qui a ce toupet-là. C'est lui qui est menteur. Et donc, c'est permis dans la langue arabe d'utiliser une partie de quelque chose et de vouloir toute la chose. Et donc ici, Tabbat yada, Abi Lahab wa Tab. Et donc ici, c'est que périsse Abu Lahab. Et ensuite, dans la parole d'Allah, Tabaraka wa Ta'ala wa Tab, ce qui est voulu ici, Huwa al-Ikhbar. Donc la première fois, c'est que périsse Abu Lahab. La deuxième fois, c'est Wa Qad Tab. Et effectivement, il a péri. Effectivement, il est voué à cela. Il ne peut pas éviter ceci. Il est voué à la perte. Fil Quran, ayyuhal ikhwa, ayatun kathira, tadullu ala sidqi ma ja'a bihi an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam. Il y a dans le Quran énormément de versets qui montrent le caractère véridique de ce avec quoi est venu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Énormément de passages, et parmi eux cette sourate. لأن الله تبارك وتعالى أخبر بأن أبا لهب وزوجته داخلان في النار. Allah تبارك وتعالى a informé que Abu Lahab et son épouse iront dans le feu. وأخبر بذلك في حياتهما. Il a informé de cela alors qu'ils étaient vivants. Ça veut dire quoi? Cela implique que ces deux-là vont mourir en étant mécréants. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Ensuite, Allah tabaraka wa ta'ala qui dit ma arna anhu maluhu wa ma kasab. C'est bien et ce qu'il a gagné ne lui a été d'aucune utilité. Mais arna anhu maluhu, et donc ses biens ne lui ont été d'aucune utilité. Taïb, wa ma kasab, et ce qu'il a gagné. Ce qu'il a gagné, et donc ici, l'argent fait partie de ce qu'il a gagné. Et donc ses biens font partie de ce qu'il a gagné. Certains savants disent ce qui est voulu ici par le terme kasab al-dhurriya. Al-dhurriya, c'est-à-dire sa descendance. Parce que, comme il a été cité dans Sahih al-Bukhari, un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit wa inna awladakum min kasbikum. Et certes, vos enfants font partie de ce que vous avez accompli. Ici, il a utilisé le terme kasb. D'accord? Et donc, les savants, ils nous disent ce qui est voulu ici, c'est ma arna anhu maluhu wa la awladuhu. Ses biens et ses enfants et sa descendance ne lui ont été d'aucune utilité. Le cheikh Ibn Uthaymin rahmatullahi alayhi, il dit bel el ma'na a'ammu min dhalik. Il dit la signification est bien plus générale que cela. C'est pas seulement ses enfants, c'est kullama kasab, tout ce qu'il a fait. Ses enfants, wa kadhalika al mal alladhi tasabahu, et aussi l'argent qu'il n'avait pas mais qu'il a gagné par la suite. Et ses agissements, ce qu'il a fait pour combattre l'islam, tout ce qu'il a fait. Son rang jah al jah. Tout cela, lam yurniyanhu shay'an. Tout cela ne lui a été d'aucune utilité. Ensuite, Allah tabaraka wa ta'ala qui dit sayasla naran dhat lahab. Il brûlera dans un feu ardent. Et ici, donc, les savants ils nous disent ce qui est voulu ici. Aïe, anna hadhi nar se tuhitu bihi. C'est que ce feu va l'encercler. Il sera encerclé par ce feu. Wamra'atuhu hammalat al-hatab. Et sa femme, celle qui porte le bois, subhanallah, cette femme qui faisait du tort au prophète sallallahu alayhi wa sallam, fakanat zawjatuhu min sadati Quraysh. Cette femme, elle faisait partie des personnes du haut rang parmi la tribu de Quraysh. Fa hadhihi al-mar'a ma'a مالها ونسبها كل ذلك لم يغني عنها شيئا. Son argent, ses biens, son rang, tout cela ne lui a été d'aucune utilité. Et donc on comprend quoi de cela au cher Afka? C'est que tu peux avoir les biens que tu veux, l'argent que tu veux, in kunta tukhalifu amr Allah tabaraka wa ta'ala fa hadha la yufiduka shay'a. Si tu contredis l'ordre d'Allah tabaraka wa ta'ala, tout ce que tu possèdes ne t'est d'aucune utilité. Et donc on revient à quoi les frères? L'obéissance à Allah azza wa jalla. Le plus important, ce n'est pas que tu aies un bon travail, ce n'est pas que tu aies de l'argent, que tu sois riche, ce n'est pas que tu aies une hijra, 5 étoiles, 6, 7 étoiles. Le plus important, c'est que tu obéisses à ton Seigneur. Certains recherchent la hijra 5 étoiles. Je ne pars pas tant que je ne suis pas sûr que, mashallah, j'ai ma société qui est placée là, si, ça, ça, ça. Une fois que c'est bon, khalas, hijra 5 étoiles, je sais que je pourrais être posé comme ça, les mains levées. À ce moment-là, je pars. C'est pas ce qui t'est demandé. C'est pas ce qui t'est demandé, mais c'est une faiblesse qu'on a. Ce qui nous est demandé, c'est d'obéir à Allah Azza wa Jal, de protéger notre religion. فهذه المرأة كانت تعين زوجها على الكفر ومحاربة الإسلام. Cette femme, elle aidait son mari dans la mécréance et dans le fait de combattre l'islam. والعقوبة من جنس العمل. Et certes, la sanction, vous savez, elle est du même genre que l'œuvre. Elle est du même genre que l'œuvre. Et donc, فَكَانَتْ تُعِينُ زَوْجَهَا فِي الدُّنْيَا فَكَذَلِكَ فِي الْعَذَابِ تُعِينُهُ. Et donc, elle aidait son époux ici-bas, elle va aussi le faire dans le châtiment, dans l'au-delà. لِزِيَادَةِ النَّارِ وَالْعَذَابِ عَلَيْهِ. Pour augmenter le feu et pour augmenter le châtiment de son mari. Et donc elle va venir et placer le bois pour donc augmenter le feu et la souffrance de son mari qu'elle aidait ici-bas. فَالْعُقُوبَةُ مِنْ جِنْسِ الْعَمَلِ. Et donc la sentence est du même genre que l'œuvre. Ensuite Allah tabaraka wa ta'ala qui dit فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِنْ مَسَدٍ. Et donc, elle aura à son cou un câble de feu. Elle aura à son cou un câble de feu. Et donc, voilà pour l'exégèse de cette sourate, ô chers frères. Dans cette sourate, il y a plusieurs points importants, notamment le caractère véridique des propos du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Car, comme on l'a vu ici, Allah tabaraka wa ta'ala a informé avant la mort d'Abu Lahab et de son épouse qu'ils seront dans le feu, et cela montre cela est un des signes de la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou un des signes qui montre la vérité concernant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, car effectivement ceci est arrivé. Naam. Ici, cette sourate fait partie des sourates qui montrent la véracité du Coran. On a aussi ce qui s'est passé avec les Romains, leur bataille contre les Perses. Il y a énormément de passages du Coran, et même le Coran en lui-même. Le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous cite les histoires des textes précédents alors qu'il ne connaissait pas leur langue, alors qu'il n'a pas pu étudier tout cela. Et donc le Coran en lui-même est une preuve qui montre la véracité des propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a aussi dans cette sourate l'importance de faire la da'wa, comme on l'a cité. L'importance de dire aux gens la vérité et de ne pas craindre, de ne pas avoir peur des gens, mais d'avoir peur d'Allah tabaraka wa ta'ala. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. N'ayez pas peur d'eux, mais ayez peur de moi si vous êtes croyants. On arrête là pour aujourd'hui, inshallah ta'ala. On demande à Allah azza wa jalla de nous accorder à tous la réussite. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.